Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, récit d'un assassinat digne d'un film d'horreur ou d'un mauvais film d'espionnage. Le 2 octobre 2018, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi se rend au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Il doit y récupérer un certificat de célibat pour pouvoir se marier avec sa fiancée turque Atis Cengiz. Après des heures d'attente devant le bâtiment, ne voyant pas son compagnon ressortir, Atis s'inquiète. Alors, elle alerte les autorités turques qui déclenchent immédiatement une enquête. Le monde entier s'émeut de cette disparition et on demande des comptes au royaume saoudien et à son nouveau prince héritier tout-puissant Mohamed Ben Salman, dit MBS. Très vite, la presse turque évoque un commando d'une quinzaine de tueurs. Et surtout, la Turquie affirme qu'elle dispose d'enregistrements audio qui pourraient faire toute la lumière sur cette affaire très sombre. Notre invité aujourd'hui, Stéphane Lacroix, professeur à Sciences Po et chercheur au Centre d'études et de recherche internationale, le CERI, de sciences politiques. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mai 2017, Riyad, capitale du Royaume d'Arabie Saoudite. C'est un grand jour pour les Saoudiens. Le nouveau président américain, Donald Trump, leur fait l'honneur de sa toute première visite à l'étranger depuis son élection. Alors, quand l'Air Force One atterrit sur le tarmac de l'aéroport, le tapis rouge est déroulé et l'orchestre est prêt à jouer. Le roi Salman et son fils, le prince Mohamed Ben Salman, dit MBS, misent beaucoup sur cette rencontre. Et ils ont bien l'intention de mettre le nouveau président américain dans leur poche. Après 8 ans de présidence, présidence Obama, perturbée par quelques frictions entre les deux pays, c'est un nouveau départ. Une occasion de célébrer l'union qui lie ces deux nations depuis 1945, avec une équation de départ assez simple, le pétrole saoudien contre la protection militaire américaine. De sorte que les Saoudiens n'hésitent pas à sortir le carnet de chèques pour les festivités. 60 millions de dollars. Donald Trump aime tout ce qui brille, et le roi Salman, tout comme son fils MBS, l'ont bien compris. Alors, ils transforment Riyad dans Las Vegas et mettent des affiches de Trump dans toute la capitale. Et puis, on fait découvrir aussi au président américain la danse de l'épée. Un peu mal à l'aise, Trump se prête au jeu avec le sourire, aux côtés de son épouse Melania, qui regarde avec curiosité cette chorégraphie guerrière proposée. Le roi offre ensuite à Donald Trump la médaille la plus prestigieuse du royaume au cœur du palais Al-Yamama. Rien n'est trop beau pour le président américain, qui, cela dit, ne vient pas que pour les festivités clinquantes de la dynastie Wahhabite. S'il a choisi l'Arabie Saoudite comme première destination, c'est qu'il sait que ça peut lui rapporter gros, très gros. Lors d'une conférence de presse, il présente aux caméras des panneaux colorés avec toutes les commandes passées par le royaume aux industries américaines. Assis côte à côte avec MBS, il décrit. Si on regarde en termes de revenus, ici on en a pour 3 milliards de dollars. 553 millions, 525 millions, ce sont des cacahuètes pour vous. MBS sourit poliment, il laisse Donald Trump faire son show. Le président américain se félicite des contrats signés. Il faut dire qu'il a réussi son coup avec un accord commercial XXL de 110 milliards de dollars de vente d'armes. C'est vraiment une super journée. Je voudrais remercier tout le monde. C'est un investissement incroyable pour notre pays et nos armées. Ce sont des milliards d'investissements et surtout, des emplois, des emplois, des emplois. Côté saoudien, MBS est enchanté. Il sait désormais qu'il a Donald Trump de son côté et il en profite pour lui signifier ses préoccupations, le danger réel ou supposé que constitue l'Iran chiite, le grand rival, ennemi juré des Saoudiens sunnites. Mais il évoque aussi le petit voisin qatari, qu'il accuse de financer le terrorisme et d'être trop indulgent avec l'Iran. Donald Trump écoute et approuve. Le roi et son fiston ont réussi leur coup. Ils démontraient qu'ils étaient capables de faire venir la personne la plus puissante du monde en Arabie Saoudite et de relancer l'alliance stratégique qui avait été mise à mal sous la présidence d'Obama. Pour MBS, ça a été une immense victoire. Mais le président américain se doute-t-il de l'ambition dévorante de MBS, qui veut devenir le leader incontestable du Moyen-Orient, ce qui est aussi l'ambition de la Turquie et de l'Iran? Arrivé au pouvoir en 2015, MBS est le fils du roi Salman, et donc descendant direct d'Ibn Saoud, qui a fondé la dynastie et donné son nom au royaume. Avec 32 épouses, 53 fils et 36 filles, Saoud a créé une famille royale, disons, nombreuse. On estime qu'il y a près de 15 000 princes et princesses dans le royaume. À 29 ans, MBS devient le plus jeune ministre de la Défense au monde. Fils préféré du roi, il est placé deuxième dans l'ordre de succession au trône. Grand, costaud, ambitieux et charismatique, il l'est. Voilà que ce trentenaire s'apprête maintenant à régner sur un pays grand comme trois fois la France et peuplé de 34 millions d'habitants, soit deux fois moins que la France. Un pays dirigé par une monarchie moyenâgeuse, évidemment absolue, où l'on coupe les mains comme on met les PV ici en France. Et, pour ne rien arranger, gardienne des deux plus importants lieux saints de l'islam. Dans les Rudriades, on se renomme parfois MBS Abou Razaza, littéralement le père de la balle. Car à l'âge de 20 ans, il aurait déposé une balle de revolver sur le bureau d'un juge qui refusait de lui signer un document. Il lui aurait lancé « Signez ou cette balle est pour vous ». Ici, on n'a pas souci de la séparation des pouvoirs, un truc compliqué, une balle de revolver suffit. Dans le documentaire Golf, la guerre des princes, l'analyste Andreas Krick et le journaliste Dexler Filkins décrivent la personnalité du jeune prince. Il est décrit comme une tête brûlée, quelqu'un d'impulsif, qui ne réfléchit pas avant de prendre des décisions, avec parfois un côté puéril. Ça le différencie de ses prédécesseurs, qui étaient des vieux somnolents à l'air détaché, ou des autres membres de la famille installés à Monte-Carlo ou des villes du même style. Lui, c'est un local, un jeune qui aime les jeux vidéo. Et ça, tous les Saoudiens le comprennent. Ce fan de jeux vidéo de combat a commencé par engager son pays dans un conflit, celui-là bien réel, au Yémen. Or, ce qui devait être une attaque éclair est devenu un bourbier, une sorte de Vietnam pour les Saoudiens. Mais avant tout, un désastre humanitaire, avec la mort de milliers de civils, une famine qui touche des millions de Yéménites et une épidémie de choléra. Derrière cette guerre, il faudrait y voir l'Iran, une musique bien connue depuis la révolution de Roménie. Quand il y a un mauvais coup ici et là, au Moyen-Orient, on tourne les yeux vers Téhéran, par réflexe. À l'image du journaliste Jamal Khashoggi, qui à l'époque soutient le jeune prince. Oui, il explique la nécessité de cette guerre au Yémen, dans le documentaire « Mordre au consulat ». Si l'Arabie saoudite avait attendu que M. Obama approuve l'intervention au Yémen, ça ferait longtemps que le Yémen aurait disparu. Il serait sous le contrôle des Iraniens et des Houthis. Donc on n'a pas attendu M. Obama, et puis bien sûr, ça renforce l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite ne viole-t-elle pas les droits humains avec ses bombardements ? Vous savez, pour l'Arabie saoudite, c'est un peu comme l'année 1939. Vous comparez l'Iran à l'Allemagne nazie ? Oui, en Arabie saoudite, c'est la même situation. Soit on accepte l'hégémonie iranienne, la mainmise sur le Yémen et sur notre destin, soit on choisit la liberté. L'Iran comparé à l'Allemagne nazie. C'est dire la haine et la peur qui animent les Saoudiens face aux grands voisins perses. Mais MBS a un autre pays dans le collimateur. Le Qatar, qu'il trouve trop proche de l'Iran. On n'en sort pas. Assuré du soutien infaillible de Donald Trump, MBS ferme alors ses frontières avec le Qatar, se lance dans un blocus économique et somme son petit voisin de fermer sa célèbre chaîne de télévision Al Jazeera. C'est tout juste s'il ne s'apprête pas à l'envahir. Donald Trump se félicite dans un tweet son moyen de communication préféré. Mais il passe tellement de temps à gazouiller sur le réseau social du même nom et à jouer au golf qu'il a oublié, ou n'a jamais su, que le Qatar abrite la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient. Les Américains décident donc de freiner les ardeurs de MBS. Si le Saoudien veut mettre tout le Moyen-Orient sous sa botte, il veut aussi les pleins pouvoirs chez lui. Il parvient à écarter son oncle de la succession au trône et devient le prince héritier et futur roi. Sachant que son père a plus de 80 ans, l'affaire sera bientôt entendue. C'est la politique par le viager. Mais MBS, c'est aussi l'homme des réformes. Il ouvre des parcs d'attractions et des salles de cinéma après trois décennies d'interdiction. Et il autorise les concerts. Un vent de liberté souffle alors sur la jeunesse saoudienne. Et c'est important. Car dans le royaume, deux tiers des habitants ont moins de 30 ans. réformatrice de MBS. Des avancées sociétales vues d'un bon œil par le journaliste Jamal Khashoggi, réputé pour son humour, sa vivacité d'esprit et son imagination. Ce Saoudien de 58 ans est un fin connaisseur du pouvoir saoudien, car il n'est pas seulement journaliste. Non, il est issu d'une grande famille. Son grand-père était le médecin personnel d'Ibn Seoud. Jamal est également le neveu d'Adnan Khashoggi, un vendeur d'armes considéré comme l'homme le plus riche du monde au début des années 80. Autre membre connu de sa famille, son cousin Dodi Al-Fayed, rendu célèbre après sa mort dans un accident de voiture aux côtés de la princesse Diana. Enfin, Khashoggi est très proche d'un Saoudien de sa génération, un certain Oussama Ben Laden. Le jour de l'annonce de la mort du terroriste, Khashoggi tweet « Tu étais magnifique et plein de bravoure au beau jour de l'Afghanistan, avant que tu ne succombes à la haine et à la passion. » Proche enfin des services secrets saoudiens et de son directeur, le prince Turki Al-Faisal, Khashoggi se voit confier une mission délicate. En 1995, il doit tenter de faire revenir Ben Laden à la raison. Et il lui propose de rentrer au royaume où on est prêt à l'accueillir s'il renonce à la violence. Le terroriste refuse, on connaît la suite. Mais revenons en 2017. Entre juin et septembre, MBS lance une purge, arrêtant intellectuels, militants de droits de l'homme et religieux, comme Salman Al-Adwa, suivi par 14 millions de personnes sur Twitter, soit deux fois plus que le roi. Le monarque s'attaque aussi à des militantes féministes, comme Loujain Al-Hatloul. Et c'est à ce moment-là que Jamal Khashoggi choisit de s'exiler à Washington. Tout juste installé, il explique au journaliste Martin Smith ce qu'il ressent. Pour l'instant, j'essaie surtout de réorganiser ma vie. Je n'ai pas envie d'être un dissident. Mais en même temps, je ne veux pas non plus rentrer chez moi pour me retrouver... muselé ? Réduit au silence, oui. On pourrait aussi m'interdire de voyager. Interdit d'écrire en Arabie Saoudite depuis décembre 2016, à cause de certains propos sur Donald Trump, le journaliste ne tarde pas à reprendre sa plume et il publie une tribune le 18 septembre 2017 dans le prestigieux Washington Post, journal pour lequel il devient chroniqueur. Il y a plusieurs années, j'ai été peiné lorsque quelques amis ont été arrêtés. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas perdre mon travail ou ma liberté et je m'inquiétais pour ma famille. J'ai fait un choix différent maintenant. J'ai quitté ma maison, ma famille et mon travail, et j'élève la voix. Faire autrement trahirait ceux qui croupissent en prison. Je peux parler alors que tant d'autres ne le peuvent pas. Je veux que vous sachiez que l'Arabie Saoudite n'a pas toujours été comme elle l'est aujourd'hui. Nous, les Saoudiens, méritons mieux. Khashoggi aggrave son cas, et MBS ne tarde pas à s'attaquer directement à sa famille. Son fils, resté en Arabie Saoudite, se voit interdit de quitter le royaume. Sa femme, effrayée par les représailles, demande le divorce. Le journaliste saoudien est clairvoyant. MBS est entré dans une dérive autoritaire et il faut alerter le monde entier. C'est qu'il lui vaut d'être harcelé sur Twitter par ce qu'on appelle l'armée des mouches, dirigée par un proche de MBS, des milliers de comptes qui s'attaquent à tous les dissidents. 4 novembre 2007, MBS s'apprête à donner le feu vert à un vaste coup de filet. Ce sont les hommes les plus riches du royaume qui sont visés, des princes, des hommes d'affaires, d'anciens ministres. Tout le Gotha y passe et tous sont convoqués à Riyad par le pouvoir, qui déclenche ainsi la plus grande opération anticorruption de l'histoire du pays. Ils imaginent une entrevue avec le roi, mais finalement, ils sont escortés vers un hôtel 5 étoiles, le Ritz-Carlton. L'établissement vidé de sa clientèle devient une grande prison dorée avec ses 500 chambres. Près de 200 hommes sont pris en otage, privés de leur téléphone portable, puis examinés par un médecin. La suite, c'est Norman Rule, ancien agent de la CIA, qui la raconte dans le documentaire « Meurtre au consulat ». L'histoire du Ritz, ça a été le Big Bang. Ils ont été très nombreux à se retrouver là. On leur a tous présenté un compte-rendu très détaillé de leur magouille financière. Et on leur a dit en substance, maintenant, vous devez rembourser au royaume ce que vous lui avez pris grâce à votre position et à vos contacts. Et s'il refusait de payer, quelles étaient les conséquences? Il ne pouvait pas repartir. Après avoir écarté son rival à la succession au trône, ce coup de filet est aussi un moyen pour MBS d'asseoir son pouvoir et son autorité. mais également de récupérer près de 100 milliards de dollars pour les caisses du royaume. Si certains otages paient très rapidement, d'autres restent détenus dans cette prison dorée plusieurs mois. Et on évoque des cas de torture et même une mort suspecte. Jamal Khashoggi compare cette opération à la nuit des longs coups de tour en Allemagne nazie entre SS et SA. Il estime également que MBS cherche à concentrer tous les pouvoirs entre ses mains, façon Poutine. Il faut dire que, parmi les otages du Ritz, on compte l'un des vieux amis, Al-Walid Ben Talal, l'investisseur milliardaire le plus connu du Moyen-Orient. En parlant de MBS, Jamal Khashoggi déclare « Si ce gamin est capable d'aller aussi loin et d'arrêter quelqu'un comme Al-Walid Ben Talal, je n'ose imaginer ce qu'il fera avec des gens comme moi. » Mais le monde entier continue à être bluffé par ce jeune prince qui fait bouger la vieille monarchie saoudienne. Au mois de mars 2018, MBS entame une tournée aux États-Unis. Il y est reçu comme une star. Au programme, visite d'Hollywood et de la Silicon Valley, notamment. Le roi rencontre Oprah Winfrey, Tim Cook, Jeff Bezos et quelques autres de la jet-set américaine. À New York, il s'adresse aux leaders de la communauté juive et prononce un discours pro-israélien. Il accorde également une interview exclusive à l'émission 60 minutes sur CBS. À la question « La femme et l'homme sont-ils égaux ?», MBS répond sans sourciller « Absolument ». Et dès son retour au royaume, il accorde le droit de conduire aux femmes. Une grande première qui va faire le tour de tous les médias internationaux. Une équipe de France 2, par exemple, assiste à cette première journée historique. Sur la route, certains hommes n'en reviennent pas et les arrêtent. C'est la première femme que je vois conduire aujourd'hui. Et vous allez entrer dans l'histoire. Oui, on fait l'histoire. Ce changement fait partie du vaste plan de réforme du prince Ben Salman pour moderniser le royaume. Pendant ce temps, la chasse aux dissidents se poursuit inlassablement. Pour ça, les Saoudiens disposent d'une arme puissante, le logiciel espion Pegasus développé par une société israélienne. Il leur permet d'espionner les téléphones portables de personnalités telles que Jamal Khashoggi, justement. Cela n'empêche pas le journaliste de continuer à critiquer la politique menée par MBS. En mars 2018, il s'exprime sur la chaîne Qatari Al Jazeera. Je le vois toujours comme un réformateur, mais il concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Et je pense qu'il ferait mieux, pour lui et pour le pays, de laisser un espace de liberté aux critiques, aux intellectuels, aux médias saoudiens, pour débattre des grandes transformations dont a besoin notre pays. En mai 2018, Khashoggi rencontre Atis Tsengiz lors d'une conférence en Turquie. Très vite, il noue une relation intime avec la doctorante turque. Après quelques mois de relation, le couple pense même au mariage. Il va avoir 60 ans en octobre, elle en a 38. Il achète un appartement à Istanbul le 25 septembre, 160 mètres carrés, 3 chambres et plein de projets. 3 jours plus tard, Khashoggi et sa fiancée se présentent à la mairie de quartier pour se renseigner sur les documents nécessaires pour se marier. Le journaliste saoudien, tout juste divorcé, a besoin d'une attestation de célibat. Le jour même, il se rend au consulat d'Arabie Saoudite pour obtenir le document. Il y va avec une certaine appréhension tout de même. Mais il reçoit un accueil plutôt chaleureux. Il ressort soulagé et confie à sa fiancée « Ils m'ont dit que le document sera prêt dans quelques jours et qu'ils m'appelleront. » Après 4 jours passés à Londres, Jamal est de retour à Istanbul. Nous sommes alors le 2 octobre et il a rendez-vous au consulat en début d'après-midi. Atis tient absolument à l'accompagner. Bien, ils arrivent devant le bâtiment vers 13h15. Jamal donne ses 2 téléphones portables à sa fiancée avant de pénétrer dans le consulat. Il est 17h33. Atis commence à s'impatienter et à s'inquiéter. 4 heures pour un certificat, ça fait tout de même long. Et elle se souvient que son futur mari était inquiet avant le premier rendez-vous. Alors, elle appelle directement le cabinet du président turc Erdogan. Il se trouve que son futur mari le connaît personnellement. Il l'a interviewé 2 ans plus tôt. Une enquête est lancée par les services turcs. Mais ce que les Saoudiens ne savent pas, c'est que les mêmes services ont installé des micros au sein même du consulat. Et ces micros vont livrer de nombreux secrets. We'll be right back. Sensible, Fabrice Drouel. Octobre 2018, Istanbul, consulat d'Arabie Saoudite. À l'intérieur du bâtiment, on a réservé au journaliste Jamal Khashoggi un comité d'accueil des plus inquiétants. Un commando d'une quinzaine de Saoudiens. Dès son arrivée dans le consulat, le journaliste est mené de force dans le bureau du consul. Il se débat un peu, mais les ravisseurs le maintiennent de force. Le consul interpelle les hommes du commando. « Faites ça dehors, vous allez m'attirer des problèmes. » L'un d'eux lui répond « Si tu veux rester en vie quand tu reviens au royaume, tais-toi. » Arrivé dans le bureau, Abdelaziz Moutreb, le chef du commando, invite Khashoggi à s'asseoir. Il lui explique qu'il va être reconduit en Arabie Saoudite. Le journaliste s'exclame « Je n'irai pas à Riyad. » Moutreb lui demande alors d'écrire un SMS à son fils qui est en captivité en Arabie Saoudite. Écris-lui « Mon fils, je suis à Istanbul. Ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas à me joindre pendant un moment. » Jamal refuse et leur lance par défi. « Allez-vous me tuer? Allez-vous m'étrangler ?» Devant le refus d'envoyer le SMS, Moutreb est un peu désarçonné. Mais il reprend vite ses esprits et donne un ordre à ses hommes de main. La suite est racontée par le journaliste Abdurrahman Simsek du quotidien turc Shaba. Ils ont forcé Jamal Khashoggi à s'asseoir sur une chaise et ils lui ont bloqué les mains dans le dos. Cinq personnes lui ont tenu les jambes pendant qu'une autre, derrière lui, lui a mis un sac sur la tête. Après, ils se sont mis à cinq sur Khashoggi pour l'asphyxier. Il a dit « J'étouffe, lâchez-moi, je ne peux plus respirer ». Mais ces bourreaux ont maintenu la pression jusqu'au bout. Ils l'ont tué en moins de 5 minutes. Entre alors en scène le médecin légiste Salah Mohamed Al-Toubaïni, qui se met au travail, découpant le corps encore chaud du journaliste. Un sinistre personnage que l'on entend dire, grâce aux enregistrements des services secrets turcs, des phrases que, telles que « quand je coupe des cadavres, habituellement, je me mets mes écouteurs et j'écoute de la musique, et en même temps je bois du café ou je fume ». Ou encore, quand j'aurai fini de hacher, tu emballeras les morceaux dans des sacs en plastique, tu les placeras dans des valises et tu les sortiras. Voilà ce que nous apprennent les enregistrements audio qui n'ont jamais été révélés au public. Ce sont les journalistes du quotidien turc Sabah, réputés proches du pouvoir, qui les ont écoutés, quasiment les premiers. İlyal Kaplan est l'une d'entre elles. Elle livre son témoignage dans l'émission Envoyé spécial. Après la disparition de Jamal Khashoggi, on sait que Moutreb, le chef du commando, a appelé à 4 reprises le cabinet du prince bin Salman. Cette information nous permet de comprendre à quel niveau les ordres ont été donnés dans le gouvernement saoudien. Maintenant, lui, là, c'est le médecin légiste qui faisait partie du commando. On le soupçonne d'avoir été chargé de démembrer Khashoggi. D'avoir découpé le corps en morceaux avec une scie. Les enquêteurs de police turque pensent donc que s'ils sont arrivés avec ce légiste, c'est que le meurtre était prémédité. Ce n'est donc pas un interrogatoire qui a mal tourné. Un commando de tueurs qui part en mission en territoire étranger avec de vrais passeports, d'abord ce n'est pas banal, et surtout ce n'est pas très discret. Mais dans les jours qui suivent l'assassinat, peu d'éléments sont dévoilés dans la presse turque. À vrai dire, dans le monde entier, tout le monde se demande où est passé Jamal Khashoggi. Le 6 octobre, un journal turc affirme que le journaliste est encore détenu au consulat. En réponse, le consul d'Arabie Saoudite ouvre les portes du bâtiment pour une visite à la presse. Scène surréaliste. Les caméras suivent le consul dans toutes les pièces. Il ouvre même les placards pour montrer qu'on n'y a pas enfermé Khashoggi. Et il donne des explications alors qu'il sait très bien que le journaliste a été assassiné. Je vous confirme que le citoyen Jamal Khashoggi n'est pas dans notre consulat. Il n'est pas non plus en Arabie Saoudite. Nous faisons tout notre possible pour le retrouver. Nous sommes très inquiets pour lui. Le 10 octobre 2018, la presse turque publie les portraits des 15 membres présumés qui auraient été chargés d'assassiner Jamal Khashoggi. Les journaux révèlent également que les Saoudiens avaient prévu une doublure ressemblant à Khashoggi. Après l'assassinat, l'homme a en effet enfilé les vêtements du journaliste et il s'est baladé dans les rues d'Istanbul pour accréditer la thèse de la disparition hors du consulat. Le problème, c'est que la doublure n'a pas pris le soin de mettre les mêmes chaussures que Khashoggi et elles étaient trop petites pour lui. Les Turcs ont vite remarqué cette différence sur les caméras de vidéosurveillance. 5 jours après la publication des portraits du commando, Donald Trump livre une première réaction après avoir parlé avec le roi Salman. Je viens de parler avec le roi, il a nié avoir connaissance de quoi que ce soit. Il ne sait pas vraiment. Et je ne veux pas spéculer à sa place, mais il m'a semblé que, enfin, ça pourrait aussi être des voleurs, des tueurs, qui sait ? À ce moment-là, Donald Trump ne sait peut-être pas encore que les Saoudiens sont responsables de l'assassinat, car le roi Salman nie toute implication. Le 20 octobre, 5 jours plus tard, les autorités saoudiennes font savoir que c'est bien le commandant envoyé à Istanbul qui a tué Jamal Khashoggi, mais de manière accidentelle. Ces choses-là arrivent, déclare tranquille le ministre des Affaires étrangères saoudien. Pour les Turcs, cette affaire qui s'est déroulée sur leur sol est une belle opportunité diplomatique. Avec les preuves audio dont ils disposent, ils mettent la pression sur les Saoudiens et ils coopèrent avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Le 23 octobre 2018, le président turc parle ainsi d'assassinat politique. Les preuves montrent que Jamal Khashoggi a été victime d'un crime barbare. Puisque c'est un assassinat politique, nous appelons à également inclure d'éventuels complices étrangers, s'il y en a. 24 octobre 2018, Hôtel Ritz-Carlton de Riyad. MBS s'exprime à l'occasion du Future Investment Initiative, surnommé le Davos du désert. Mais la deuxième édition de ce forum économique est boudée par de nombreuses personnalités, conséquence directe de l'assassinat du journaliste. Tout le monde soupçonne le prince héritier MBS d'en être le commanditaire, lequel n'a que faire de ces accusations, et il le fait savoir. Le drame qui s'est passé est très douloureux pour tous les Saoudiens, pour le peuple saoudien. Je pense que ça a été douloureux pour le monde entier. Ce qui s'est passé n'est pas normal et les autorités saoudiennes, le royaume saoudien va prendre toutes les mesures pour terminer l'enquête avec les autorités turques et arriver à un résultat pour traduire les responsables devant la justice. Ils seront punis et ça, c'est la responsabilité de tout gouvernement envers son peuple. La coopération entre les gouvernements saoudiens et turcs est excellente. On sait que beaucoup essaient de profiter de cette situation douloureuse pour semer la confusion entre l'Arabie saoudite et la Turquie, mais je veux transmettre un message d'ici. Ils ne pourront pas faire cela tant qu'il y aura un roi qui s'appelle Salman bin Abdelaziz. Et un président en Turquie qui s'appelle Erdogan. Malgré la pression internationale, MBS ne se démonte pas. Oui, ce sont les Saoudiens qui ont tué Jamal Khashoggi, mais il n'est pas le commanditaire. Mais lorsqu'il se présente au G20 d'Abdel Nasser, une semaine plus tard, là, il comprend vite qu'il n'est plus vraiment en odeur de sainteté. La politologue Fatia Daziani décrypte ce moment. Lors du G20, on a vu le prince héritier un petit peu isolé, etc. C'est vrai que tout le monde le snobait un peu. Quand tout à coup, Vladimir Poutine est arrivé et a fait ce fameux top-là à MBS. Ça était très, très, très populaire en Arabie Saoudite. Il y a une très, très bonne relation entre la Russie de Poutine et l'Arabie du roi Salman et les Émirats arabes unis de MBZ. Si MBS peut compter sur Vladimir Poutine, qui est connu pour ne pas trop s'embarrasser avec tout ce qui concerne les assassinats politiques, il garde également le soutien de Donald Trump. Malgré un rapport de la CIA qui accuse MBS, Trump, en effet, refuse de mettre en cause le prince saoudien, comme l'explique le journaliste du Wall Street Journal, Warren Strubel. Le président Trump et le secrétaire d'État Mike Pompeo n'ont pas arrêté de répéter que la CIA n'avait pas la preuve de l'ordre d'assassinat. Mais ils ne vont pas plus loin. Alors que si on lit vraiment le compte-rendu, comme je l'ai fait moi-même, tout le reste montre que le prince héritier a bien joué un rôle. Mais il n'y a pas que le rapport de la CIA qui pointe du doigt MBS. Agnès Calamard, rapporteur spécial de l'ONU, a enquêté pendant plus de 6 mois sur l'affaire Khashoggi et a rendu un rapport détaillé. Elle explique pourquoi il y a eu préméditation, s'appuyant toujours sur l'une des conversations enregistrées par les services secrets turcs. J'ai écouté les bandes dans les locaux des services secrets turcs. C'est une conversation qui a eu lieu 1 heure avant le meurtre. Moutreb demande si le tronc du cadavre rentrera dans un sac normal. Faut-il prévoir un sac plus solide? Comment s'y prend-on pour démembrer un corps? Voilà de quoi ils discutent. Al-Toubaïdji, le médecin, explique qu'il ne sait pas comment faire pour découper par terre parce qu'il n'a jamais fait ça. De toute évidence, il répète la scène du meurtre qu'il compte commettre 1 heure plus tard. Le 23 décembre 2019, 5 membres du commando sont condamnés à la peine de mort en Arabie Saoudite. 9 mois plus tard, ces condamnations sont annulées et transformées en 20 ans de prison. Peu après son élection, le nouveau président américain Joe Biden déclare que le MBS n'est plus son interlocuteur et qu'il ne parlera désormais qu'à son père, le roi Salman. Il annonce également la fin du soutien américain à la guerre que les Saoudiens mènent au Yémen, estimant que cette guerre a créé une catastrophe humanitaire et stratégique. Joe Biden a également déclassifié le rapport de la CIA qui stipule que MBS a validé l'opération menée contre Khashoggi. Sous la pression, le Saoudien ordonne alors le 11 février dernier la libération de la militante féministe Loujainal Al-Thul. Elle aura passé 1001 nuits en prison. Quant à Atis Zengiz, la veuve de Jamal Khashoggi, elle poursuit son combat pour faire toute la lumière sur cette affaire. We'll be right back. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Khashoggi. Notre invité, Stéphane Lacroix. Bonjour. Bonjour. Professeur à Sciences Po, chercheur au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Politiques. Je crois que vous connaissez Jamal Khashoggi. Vous le connaissez? En effet, je l'ai bien connu. Bien, ben, parlez-moi de lui. Je l'ai bien connu depuis les années 2000. Je l'ai vu à de nombreuses reprises, en fait, jusqu'à son assassinat, parce que, bon, c'était quelqu'un qui connaissait très bien, pas seulement le milieu des journalistes, mais aussi des chercheurs, des think tanks, qui connaissait aussi les milieux politiques. C'était quelqu'un avec beaucoup, beaucoup d'entre-gens et des réseaux, qui se prolongeaient un peu partout, en Arabie et ailleurs. Donc, c'était quelqu'un, évidemment, quand on allait en Arabie, qu'on allait voir, et qu'on prenait toujours plaisir à voir, parce qu'il était toujours un interlocuteur. Alors, mon interlocuteur, c'est-à-dire vous, a disparu, la technique l'a fait disparaître, nul doute qu'il va revenir. Alors je vais me renseigner auprès de la régie pour savoir si nous avons toujours en ligne Stéphane Lacroix. Vous êtes là, parfait. Dites-moi... Non, vous m'entendez? Oui, je suis là. Oui, je vous entends bien maintenant. M'entendez-vous? Mais oui, très bien. Et vous? Pas trop bien, apparemment. Je suis ici, m'entendez-vous? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, vous? Vous m'entendez, d'accord, parce que... Bon, écoutez. Eh bien, écoutez, je vous entends. Eh ben voilà, alors, continuons. Parfait. Donc, Jamal Khashoggi, justement, il avait une vie... Je vous entends parfaitement. Parfait, très bien. Donc, Khashoggi avait une vie aurait pu avoir une vie de rêve en Arabie Saoudite, il faisait partie de l'élite. Qu'est-ce qui a fait qu'il a pris ce risque-là? Il a vraiment fallu qu'il se dise, là, il y a une limite que MBS n'aurait pas dû dépasser. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous m'entendez? J'en doute désormais. Ben, Jamal Khashoggi était un homme du système saoudien qui, depuis les années... Je crois que... C'était un homme du système saoudien qui, depuis les années 2000, avait pris des positions réformistes à l'intérieur du système. Oui. M'entendez-vous? Non, vous disparaissez. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre un disque, hein, tout simplement, et puis on va essayer de régler ce problème en espérant de tout cœur vous retrouver dans un peu moins de 3 minutes, Stéphane Lacroix. Fogon calling, thought I spied a ship at the harbor gate. So the mooring, when the anchor dropped with the iron weight. Where is the will, is the wanting? Where is the heart, there's something? Where is the will, is the wanting? A hand to hope, a hope to hold, to drag forth the darkness from you. Darkness from you. Ship is leaving when the bell will toll, it'll toll for you. No denying when the log is lost, it can't be true. The darkness from you. Foggone calling. Stéphane Lacroix, vous êtes là ? Je suis ici. Bien, toutes nos excuses. Vous savez qu'avec le Covid, on fait en sorte de recevoir nos invités à distance, si je puis dire. Et oui. Voilà, mais on en sortira. Alors, il ne reste que 10 minutes, on va donc aller à l'essentiel. Je repose ma question à laquelle vous n'avez pas pu donner de réponse. Donc, Khashoggi faisait partie de l'élite saoudienne et des privilégiés. Donc, il a pris un risque énorme, et pour sa vie, ça ne le savait peut-être pas, mais il a pris un risque énorme. Qu'est-ce qui a fait cette cassure par rapport à l'opinion même qu'il avait de MBS au début? Ça a dû aller très loin pour qu'il passe ce cap-là. C'était depuis les années 2000 en Arabie un réformiste. C'était quelqu'un que précisément on prenait plaisir à voir parce qu'il avait toujours des opinions qui sortaient un petit peu de la norme. Il était c'était un original intellectuel et quelqu'un qui effectivement faisait partie du système, avait dirigé dans les années 2000 un quotidien qui était perçu comme réformiste dans le champ médiatique saoudien. Et c'était quelqu'un qui faisait entendre sa différence. Alors évidemment, il était protégé parce qu'il avait des relations étroites avec certains pans de la famille royale qui lui permettaient d'une certaine manière de marquer une certaine indépendance d'idées. Et puis il y a eu les printemps arabes, et il a fait partie de ces gens qui, dans la foulée des printemps arabes, ont soutenu ce qui s'est produit, a beaucoup écrit sur les printemps arabes, et considérait que voilà la démocratie est l'avenir nécessaire du monde arabe. Il a voulu voir dans MBS au départ effectivement un réformateur, et puis très vite il s'est aperçu que le programme de réforme d'MBS était un programme de réforme sociétale, économique, mais certainement pas politique, et que même sur le plan politique, les choses allaient plutôt dans le mauvais sens. Mmh. Or voilà, on est aujourd'hui dans le monde arabe dans une lutte finalement farouche qui a commencé il y a 10 ans entre les partisans de l'ordre autoritaire et ceux qui croient encore à la possibilité d'une démocratie. Quand il a compris qu'MBS faisait partie des premiers, lui s'est clairement rangé parmi les seconds. Alors, c'est pas forcément bien joué de la part du pouvoir saoudien, puisque MBS semble être lâché par le nouveau président Joe Biden. Joe Biden qui a l'intention, lui, de renouer avec l'Iran, l'ennemi juré des Saoudiens. Donc c'est pas forcément très pertinent, ce comportement des Saoudiens. Oui, alors effectivement, ils ont fait de mauvais calculs, mais ça c'est parce qu'MBS, ce qu'il faut bien voir si vous voulez, c'est que quand MBS arrive au pouvoir, il est entouré d'une petite coterie de, essentiellement ce sont des copains, c'est-à-dire que c'est, et cette opération rocambolesque d'assassinat de Jamal Khashoggi, elle n'est pas menée par un État, elle est menée par un petit groupe de gens qui sont véritablement des pieds nickelés, qui sont MBS et ses copains avec lesquels il a surtout l'habitude de faire la fête aux Maldives, qui se croient dans un film de Tarantino ou des frères Cohen, et qui probablement, sur un coin de table, décident de monter une opération comme celle-ci, c'est-à-dire c'est pas le renseignement saoudien. Mmh. Et d'une certaine manière, il y a chez MBS effectivement un très grand amateurisme qu'on voit tragiquement dans cette opération-là, mais qu'on voit dans d'autres chose. Et du coup, effectivement, cet amateurisme-là, il fait que l'Arabie saoudite a fait un certain nombre de choix qui la mettent aujourd'hui dans une situation compliquée. Alors évidemment, les cabinets de conseil américains, puisqu'MBS a fait aussi appel à eux, lui ont permis de prendre un certain nombre de mesures, de mettre en place une politique plutôt populaire sur les questions sociétales, les femmes, etc. Et ça, c'est essentiellement du conseil extérieur. On lui dit, c'est comme ça qu'il faut faire, les Occidentaux seront contents si tu fais ça. Mais voilà, pour ce qui est de lui, on a quand même un très grand amateurisme, et c'est ça qui est inquiétant, à mon avis, avec ce personnage. Oui, alors d'ailleurs, quels sont les desseins de l'Arabie saoudite au sein du Moyen-Orient? Quel rôle joue maintenant? Ce pays a toujours eu un rôle depuis la manne pétrolière, un rôle très important dans cette région, évidemment. Quels sont ses desseins? Que veut l'Arabie saoudite? Je crois que son obsession, vous l'avez dit, c'est l'Iran. C'est-à-dire que les Saoudiens sont absolument persuadés que l'Iran veut leur peau. C'est une lutte existentielle. Ils s'en remettent au discours de Khomeini dans les années 80, où Khomeini promettait de reconquérir les lieux saints et de les prendre aux Saoudiens. Et les Saoudiens vivent dans cette peur de l'Iran. Donc pour lui, c'est la première objectif. Et puis, effectivement, il y a cette idée d'un leadership sur le monde sunnite, qui est une vieille idée saoudienne. Là encore, ils sont dépositaires des lieux saints. Et ils voudraient faire autour d'eux l'unité d'un monde sunnite uni contre l'Iran. En fait, là encore, l'essentiel des politiques menées par MBS en 2015 ont plutôt mené à diviser le monde sunnite qu'à l'inverse. La guerre au Yémen est une catastrophe et tout le monde aujourd'hui en convient. Le blocus du Qatar, en fait, n'a rien donné, mais surtout a produit une division dans le monde sunnite entre Qatar, Turquie d'un côté et Arabie, Émirats Arabes Unis de l'autre. Les interventions saoudiennes en Libye, là aussi, ont plutôt compliqué la crise qu'elles n'ont aidé à la résoudre. Donc, effectivement, on a une Arabie qui, d'une certaine manière, veut beaucoup, mais montre qu'elle peut sous MBS. Alors, est-ce qu'on ne se trompe pas de cible en montrant toujours l'Iran du doigt, n'est-ce pas plutôt l'Arabie Saoudite, le danger, et d'abord pour le Moyen-Orient ? Je crois que là encore, l'idée, c'est pas de savoir qui est le plus dangereux, c'est de dire qu'on est dans une sorte de surenchère mortifère entre les uns et les autres. Les Iraniens aussi mènent une politique à la fois d'influence et d'expansion militaire qui est tout aussi problématique. La question, c'est qu'aujourd'hui, on a deux pays qui considèrent que, là encore, leur lutte est une lutte existentielle et qui donc sont prêts à tout pour marquer des points face à l'autre. Et donc, pour moi, là encore, l'idée, c'est pas de savoir qui porte le chapeau, c'est de trouver un moyen de ramener tout le monde autour d'une table et de considérer, d'abord, les Saoudiens doivent considérer que l'Iran, effectivement, a une influence légitime dans la région, c'est un grand pays qui a une influence traditionnelle et qui doit la maintenir, et d'un autre côté, l'Iran doit aussi considérer que son influence a des limites et qu'un certain nombre de dossiers sur lesquels les Iraniens sont investis peuvent être perçus comme particulièrement problématiques pour les pays de la région, que ce soit le Yémen en particulier et le soutien en Russie, dont on peut légitimement imaginer que pour les Saoudiens, ça pose problème. Donc là encore, on n'y arrivera que par la discussion et la négociation. Le problème aujourd'hui est que personne, visiblement, pour le moment, n'a encore envie de négocier ou de... On verra ce que Biden pourra faire, mais pour le moment, on reste dans cette surenchère. Peut-on dire que la droite américaine fait part d'un certain tropisme vers l'Arabie Saoudite, je parle des Républicains, et que les démocrates, eux, penchent plus pour une normalisation avec Téhéran, j'en veux pour preuve, en tout cas l'histoire récente entre Obama et Donald Trump. Et Joe Biden, qui semble se retourner de façon positive vers l'Iran. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que traditionnellement, l'Arabie Saoudite avait plutôt des alliés dans les deux camps aux États-Unis, que ce soit chez les démocrates et chez les républicains. Et l'Arabie, d'une certaine manière, était encore un pays qui exerçait beaucoup de lobbying dans les milieux politiques américains et qui considérait qu'il était préférable pour ses intérêts de pouvoir être proche du pouvoir américain, quel qu'il soit. C'est vrai qu'avec Donald Trump, ils se sont quand même enferrés dans une alliance avec pas seulement les républicains, mais avec le trumpisme, qui a beaucoup coûté à l'Arabie Saoudite politiquement aux États-Unis, qui fait qu'effectivement, les démocrates aujourd'hui ont une position beaucoup plus hostile à l'Arabie Saoudite que par le passé, y compris sous Obama. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ils se sont largement coupés du parti républicain. Après, c'est vrai que les républicains au Moyen-Orient, ils ont toujours essayé d'avoir cette image depuis Clinton, de faiseur de paix. Donc avant, c'était la paix démocrate entre plutôt. Israël et Palestine. Aujourd'hui, c'est la paix entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais c'est aussi beaucoup une posture. Bien sûr. Enfin, les démocrates, pardon. Oui, j'avais compris. Oui. Et quel est maintenant le sens de ce rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite ? Eh bien, là encore, c'est l'ennemi commun, c'est l'Iran. C'est-à-dire que les Saoudiens considèrent que les Américains ne sont pas un allié suffisamment fiable contre l'Iran. Effectivement, la période Obama leur a démontré qu'ils ne pouvaient plus compter sur les Américains. Et donc, aujourd'hui, ils comptent beaucoup plus sur Israël que sur les Américains. Parce que, d'une certaine manière, là encore, ils partagent avec Israël la même perception de l'Iran, c'est-à-dire comme une menace existentielle. Et puis, voilà. Et puis, il y a aussi l'espoir de dividendes économiques, puisque il y a toutes sortes de projets, d'ailleurs, qui sont en train de germer dans la tête d'MBS et de ses conseillers, de former une sorte de grand hub économique qui irait de Tel Aviv jusqu'à Riyad. On ne sait pas ce qu'il en sera de tout ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une Arabie Saoudite qui considère que voilà, les grandes causes arabes du passé, comme la Palestine, sont révolues et que l'avenir est à la normalisation avec Israël, même si les Saoudiens n'ont pas encore formellement normalisé. Alors, il reste les Turcs, qui, à travers l'affaire Khashoggi, je pense, se sont frottés les mains. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah oui, absolument. Oui. Pour les Turcs, c'était une aubaine parce que, on a cette... je l'ai dit, après, le monde sunnite est particulièrement divisé, en particulier depuis les printemps arabes et plus encore depuis 2017 quand l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont décrété le blocus du Qatar et la Turquie s'est rangée du côté du Qatar. C'est-à-dire qu'on a là un axe, si vous voulez, turco-qatari contre un axe saoudo-émirien. Et donc, dans ce contexte-là, l'assassinat de Jamal Khashoggi à Istanbul était plein béni pour les Turcs, puisque ça leur donnait une carte à jouer contre les Saoudiens auxquels ils étaient opposés sur cette crise. Donc, dès lors, effectivement, le président Erdogan s'en est délecté et il a fait durer la torture en révélant un par un les éléments de l'affaire pour que ça dure très très longtemps et qu'NBS soit embarrassé sur une période de plusieurs mois. Donc effectivement, oui, c'était les Turcs en ont fait un usage diplomatique évident. Alors, on sait que le dessein de Erdogan, c'est que son pays devienne le leader du monde arabo-musulman. Je dis arabo-musulman parce que les Turcs ne sont pas arabes. Est-ce que l'Arabie saoudite, elle, sur le monde arabe, pour le coup, le monde arabe aurait les mêmes envies que la Turquie, devenir le pays leader, la puissance régionale? Oui, en effet, c'est une vieille histoire. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la deux légitimités qui se réclament l'une et l'autre, finalement, d'une histoire islamique. Hein. On a la légitimité post-califale, post-ottomane des Turcs, et puis les Saoudiens qui, là encore, contrôlent les lieux saints. Donc, en termes symboliques, c'est pas rien. Et donc, les uns et les autres, en effet, ont des raisons de prétendre à ce leadership. Le problème, c'est là encore que historiquement, les relations entre les deux n'ont jamais été très bonnes, en vérité, et ça remonte à la période d'Atatürk. Hein. Oui. L'Arabie saoudite et la Turquie ont toujours eu des relations assez tendues, et donc aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de ces tensions. Ce sera le mot de la fin, Stéphane Lacroix. Je vous remercie infiniment, et encore nos excuses pour cette interruption de dialogue pendant quelques minutes. Au revoir, merci. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Khashoggi, une émission que vous pouvez évidemment réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Benjamin Troncin.